Bismillah ve elhamdülillahi ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ittaba'a huda. Amma ba'du fa. Aujourd'hui, le 19 du mois de Ramadan, de l'année 1444, après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous nous réunissons ici dans la mosquée Ar-Rahma, quartier du chantier du coq de la ville d'Evry, pour assister à cette assise ensemble qui a pour titre la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Inna alladhina amanu wa amilu s-salihati sayaj'alu lahum ar-Rahman wudda. Dans le sens approximatif de ces paroles, tabaraka wa ta'ala, à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, le tout miséricordieux accordera son amour. Le sujet du cours d'aujourd'hui traitera plus particulièrement de Al-Mahabba, l'amour, et en particulier l'amour entre les frères, l'amour qu'il y a entre les musulmans. Et j'ai choisi comme titre ce verset pour les raisons que vous allez entendre lorsque je vais citer les paroles des gens de At-Tafsir, des savants du Tafsir, concernant l'explication de ce verset. Et ce sera le point de départ de notre assise d'aujourd'hui. Donc Allah tabaraka wa ta'ala dit dans son livre, dans Surat Maryam, le verset 96, Inna alladhina amanu wa amilu s-salihati sayaj'alu lahum ar-Rahman wudda. À ceux qui croient et font de bonnes œuvres, le tout miséricordieux accordera son amour. Al-Hafidh ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, dans son tafsir, que vous connaissez tous, le tafsir d'Ibn Kathir, qui est appelé Tafsir al-Qur'an al-Azim. Il dit dans son explication de ce verset, dans le sens de ses paroles, rahimahullah, Allah le très élevé, ou Allah le très élevé, tabaraka wa ta'ala, nous informe, donc dans ce verset, qu'il mettra de l'amour dans le cœur de ses serviteurs, de manière générale, l'amour pour ses serviteurs qui œuvrent des bonnes œuvres et croient en lui. Tabaraka wa ta'ala. Ainsi, Al-Hafidh ibn Kathir a expliqué ce verset. À ceux qui croient et font de bonnes œuvres, le tout miséricordieux accordera son amour. C'est-à-dire qu'il mettra de l'amour pour ses serviteurs qui croient et font de bonnes œuvres dans le cœur de l'ensemble de ses serviteurs. C'est-à-dire que l'ensemble de ses serviteurs aimeront ses serviteurs, plus particulièrement qui croient et font de bonnes œuvres. Il nous dit aussi que as-salihat, les bonnes œuvres, ce sont les œuvres qu'Allah tabaraka wa ta'ala agrée. Il les agrée car ils sont en concordance avec la législation de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et en effet, Allah tabaraka wa ta'ala nous a informé dans ce verset qu'il mettra donc dans le cœur de l'ensemble de ses serviteurs de l'amour envers ses serviteurs plus particuliers qui croient et font de bonnes œuvres. Et le Hafidh ibn Kathir nous dit, et cette chose-là arrive obligatoirement, sans aucun doute. Allah nous en a informé et cette chose arrive, c'est-à-dire que effectivement les gens aiment les serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, pieux, qui croient et font des bonnes œuvres. Puis il nous dit que il a été rapporté à propos de cela plusieurs ahadiths. Parmi ces ahadiths qu'il a cités, rahimahullahu ta'ala, des ahadiths authentiques qui se trouvent soit dans les deux recueils authentiques, le recueil de l'imam al-Bukhari et le recueil de l'imam muslim, soit dans l'un des deux. Il nous rappelle cette parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous le dit dans le sens approximatif de ses paroles. Lorsqu'Allah aime un serviteur, il appelle Jibril alayhi salam. Il appelle Jibril alayhi salam et lui dit, oh Jibril, j'aime un tel, aime-le donc. Et c'est alors que Jibril l'aime. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, par la suite, Jibril appelle auprès des habitants des cieux, certes Allah aime un tel. Et à la suite de cela, les habitants des cieux, Al-Malaïka, qui peuplent les cieux, Les anges qui peuplent les cieux aiment cette personne à leur tour. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, puis ensuite, il est placé pour ce serviteur que Allah aime, et que Jibril aime, et que les anges aiment, il est placé l'acceptation, il est placé pour lui sur la terre l'acceptation des gens de la terre. C'est-à-dire que les gens de la terre l'acceptent, le reconnaissent, l'aiment. Et dans ce même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que lorsqu'il déteste une personne, il appelle Jibril et lui dit, oh Jibril, je déteste telle personne, déteste-le donc. C'est alors que Jibril le déteste. Puis il appelle dans les gens, dans ceux qui peuplent les cieux, El Malaïka, les anges. Certes, Allah déteste un tel, et c'est alors qu'il le déteste. Puis il est placé pour lui sur terre la non-acceptation des gens, c'est-à-dire que les gens de la terre le détestent. Et le Hafidh Ibn Kathir a rapporté cela pour illustrer cette parole d'Allah tabaraka wa ta'ala et l'expliquer. Le fait donc que lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala aime une personne, eh bien, l'ensemble des gens des cieux et de la terre aiment cette personne. Et à quel moment Allah tabaraka wa ta'ala aimera une personne? Lorsque cette personne croira et œuvrera des œuvres pieuses. Al-Hafidh Ibn Kathir rapporta plusieurs autres ahadiths qui tendent dans ce sens-là, plusieurs narrations de ce hadith et d'autres ahadiths qui tendent dans ce sens-là. Puis il rappela les paroles de Salaf Ridwanallahi alayhim sur l'explication de ce hadith, de ce verset, pardon. Il dit que Abdullah ibn Abbas disait que dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, سيجعل لهم الرحمن ودا ودا يعني حبا, l'amour. Et certains parmi les gens de science ont expliqué al-wud. Vous savez que al-mahabba ou al-hub, c'est l'amour. Al-wud, on peut le traduire aussi par l'amour. Et certains parmi les gens de science ont expliqué al-wud comme étant un amour pur. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est plus un degré plus élevé que le simple amour, que le hub. Al-wud, c'est un amour qui est pur, sincère. Puis il rapporte la parole de Mujahid qui dit, dans l'explication de ce verset, que Allah Azza wa Jal mettra de l'amour auprès des gens pour cette personne sur la terre, comme on l'a expliqué. Il rapporte aussi la parole de Saïd ibn Jubayr qui dit que Allah les aimera, donc ceux qui croient et font de bonnes œuvres, Allah les aimera et il les fera aimer à ses serviteurs, c'est-à-dire que l'ensemble de ses serviteurs, de ses créatures, aimeront cette personne. Et ceci est la parole d'autres parmi les savants du tafsir, parmi les salaf comme Dhahak, Ad-Dhahak et autres. Et lorsque le serviteur est conscient de cela et croit en cela, en la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala et sa promesse ici, il convient qu'il prenne connaissance des caractéristiques qui se retrouvent chez la personne qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime. On a évoqué ici, comme évoqué dans le verset, certaines de ces caractéristiques. De manière générale, ceux qui croient et font des bonnes œuvres. Il te convient de savoir ce qu'est la croyance, l'iman, la foi. Inna alladhina amanu wa amilu salihat. La foi, qu'est-ce que la foi, la réalité de la foi? De même que les bonnes œuvres, qu'est-ce que la réalité des bonnes œuvres? On a évoqué ici la parole d'Ibn Kathir où il dit les bonnes œuvres, ce sont les œuvres qu'Allah agrée, les actes d'obéissance. Et ceci est une parole générale, un terme général qui englobe beaucoup de choses. Il te convient, lorsque tu as pris connaissance de ce verset, si tu veux faire partie de ces gens-là, et si tu veux rechercher les adorateurs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'Allah aime et agrée, et que Jibril aime et agrée, que les gens du ciel aiment et agrée, et que les gens de la terre aiment et agrée, il te faut connaître ces caractéristiques qui se retrouvent chez ces personnes-là. Pourquoi? Afin que, Inch'Allah, tu en fasses partie, et que tu prennes comme compagnie ces gens pieux, que tu les aimes à ton tour, et que tu les prennes comme compagnie. Car comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al mar'u ala dini khalilihi, falyandur ahadukum man yukhali. La personne est sur la religion de son ami intime. Que l'un d'entre vous regarde qui il prend donc comme ami intime. Donc si tu connais ces personnes, si tu connais ces personnes par leurs caractéristiques, ces personnes qui sont des personnes aimées d'Allah, tabaraka wa ta'ala, agréées de lui, azza wa jal, tu les prends comme ami intime, tu fais de eux ta compagnie, et ainsi tu espères que tu profites de cette compagnie et que cette compagnie déteigne sur toi. Et il est venu dans le hadith authentique, comme vous le savez, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans le sens de ses paroles, lance la plus solide de la foi, lance comme une tasse, la chose par laquelle tu te cramponnes, la chose par laquelle tu prends cette chose, lance la plus solide de la foi est al-hubbu fillah wal burdu fillah, l'amour en Allah et détester en Allah. Et on entend certaines personnes de nos jours dire, je n'ai jamais entendu parler avant aujourd'hui de l'wala wal-bara, l'alliance et le désaveu. On se demande si cette personne lit le Coran et entend les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jal nous informe dans ce verset, nous informe de ses alliés et de certaines de leurs caractéristiques. Et dans ces hadiths que j'ai lus jusqu'à maintenant, il nous informe des caractéristiques de ses alliés et de ceux qu'il a détestés. Et dans ce hadith, nous voyons que ceci est l'once la plus solide de la foi. Al-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu, en Allah et pour Allah. Et dans ce hadith, lorsque tu étudies ce hadith et tu le comprends et tu essayes de le mettre en pratique, tu réaliseras alors la réalité de la foi, l'iman, par le fait que tu aimeras en Allah et tu détesteras par Allah ou en lui, car en effet, le serviteur est ordonné d'aimer en Allah et de détester en lui, tabaraka wa ta'ala. Qu'est-ce que la foi, ayu al-ikhwa? Al-iman, la réalité de la foi, quelle est-elle? Allez, Shabab. Fadal Younes. En Allah, ses anges, ses messagers, ses livres, Ahsant. Ses mouvements derniers, et accepter le destin qui soit favorable. Ahsant, Ahsant. La foi, comme l'a cité ici, comme l'a cité ici votre frère Younes, comme l'a informé Jibril dans ce hadith qui est connu, le hadith de Jibril, est peut-être défini par les six piliers de la foi. De même, la foi chez les gens de la Sunna est définie par ce que vous savez. C'est... Allez, Shabab, Fadal. Ahsant, une croyance par le cœur, des paroles par la langue, des actes par les membres. Elle augmente et elle diminue. Pourquoi ceci est important de définir cela lorsque nous parlons de la foi, des caractéristiques des gens de la foi et autres? Car nous voyons que la foi est une croyance, une parole et des actes. La personne, lorsque tu vas rechercher cette personne qui fait partie des gens de la foi, des gens qui sont agréés d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui font partie des alliés d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu vas le rechercher par ses caractéristiques comme on l'a évoqué. Et ces caractéristiques, certaines sont cachées, certaines sont apparentes. Lorsque tu sais quelle est la réalité de la foi, tu vas rechercher cette chose-là. Ces personnes qui ont une bonne croyance, une croyance qui est conforme à la croyance de l'islam authentique, cette croyance sur laquelle était notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons et ceux qui les ont suivis dans le bien. De même, cette personne qui prononcera ces paroles qui tendent vers cette croyance, de même que cette personne qui œuvrera les œuvres de bien. Et le fait que tu saches que, et ceci est la croyance des gens de la Sunna, comme vous le savez, à l'inverse de l'Khawarij, de l'Wa'idiyya, de manière générale de l'Khawarij ou l'Mu'tazila, que la foi augmente et diminue. Tu verras donc que, et tu comprendras donc que les gens ne sont pas égaux dans leur foi. Donc ils ne sont pas égaux dans, par rapport à ce sujet à propos duquel on parle ici, dans l'amour d'Allah, Ahsantum, ils ne sont pas égaux non plus dans l'amour que les serviteurs ont envers ces derniers. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit dans son livre Irathatu al-Lahfan, il dit que l'amour qu'il y a, ou l'amour mutuel, l'amour qu'il y a entre les serviteurs et l'entente qu'il y a entre eux est factorisée par la foi et les œuvres pieuses. C'est-à-dire que le facteur qui fera que cet amour soit plus ou moins grand est la foi de chacun d'entre eux, de ses serviteurs, et les œuvres pieuses qu'ils œuvrent. Comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, comme dans ce verset, à ceux qui croient et font des bonnes œuvres, le tout miséricordieux accordera son amour. C'est-à-dire qu'il mettra entre eux, entre ses serviteurs, al-mahabba, l'amour. Et ainsi, ils s'aimeront les uns les autres. Et ainsi, ils se feront miséricorde les uns les autres. Et ainsi, ils seront doux les uns envers les autres, en fonction de ce que Allah tabaraka wa ta'ala aura mis dans le cœur de certains d'entre eux, envers les autres comme amour. Et Ibn Abbas, comme le rappelle Ibn al-Qayyim rahimahullah, dit, c'est-à-dire que Allah azza wa jalla les aime et les fait aimer son adoration. Encore une autre manière d'expliquer ce verset. Toutes ces paroles, comme vous le voyez, se rejoignent. C'est-à-dire que Allah azza wa jalla leur accordera son amour, c'est-à-dire qu'il les aimera premièrement et qu'il leur fera aimer aussi son adoration. Il les fera aimer ses adorateurs pieux. Et il les fera aimer son adoration, le fait de l'adorer et de pratiquer les bonnes œuvres. Et à l'inverse, les gens des péchés et de la perversion, même s'il y a entre eux une sorte d'amour, les gens des péchés de la perversion. Ici, lorsqu'on parle des péchés de la perversion, on parle de l'ensemble des péchés de la perversion. Et parmi ces péchés-là, faites bien attention, et ce point-là, on va appuyer dessus. Parmi ces péchés qui font partie des grands péchés, al-bida', les innovations. Donc lorsqu'on parle ici des gens des péchés et de la perversion, on parle sans aucun doute aussi des gens de l'innovation. Car parmi les plus grands péchés, al-bida' dans la religion, les innovations dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc écoutez bien, il dit, rahimahullah, et les gens des péchés et de la perversion, même s'il y a entre eux une sorte d'amour et d'amour mutuel, eh bien cet amour-là mutuel se transformera en désaveu mutuel. Et ils se détesteront les uns les autres. Et ceci est quelque chose qui arrive généralement. Et ceci arrive dans cette vie d'ici-bas, avant l'au-delà, comme le dit Ibn al-Qayyim. Dans cette vie d'ici-bas, ils se détestent les uns les autres alors qu'ils étaient peut-être sur la même chose de base, ils montraient une sorte d'amour, mais parce que cet amour n'était pas construit sur ce sur quoi doit être construit, l'amour sur laquelle est construit l'amour qu'il y a entre les croyants, eh bien, dans cette vie d'ici-bas, sans aucun doute, il arrivera qu'ils se détesteront au final les uns les autres. Même si tu les vois en apparence, s'aimer. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Je pense qu'ils sont ensemble, mais leurs cœurs sont éparpillés. Et dans cette vie, ceci dans cette vie d'ici-bas. Et dans l'au-delà, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens de ses paroles, il dit Azza wa Jal, les amis. Ici, il est traduit les amis, mais Allah Azza wa Jal dit dans le Quran, Al-Akhilla, c'est-à-dire un degré plus haut que l'amitié. Les amis, ce jour-là, seront ennemis les uns des autres, excepté les pieux. Illa al-muttaqin dans le verset. Seulement les pieux ne seront pas ennemis les uns des autres. Seulement ses amis qui auront construit cette amitié sur autre que ce sur quoi doit être construit cette amitié et cet amour qu'il y a dans cette vie d'ici-bas. Cet amour qui doit être construit sur la croyance pieuse, la croyance véridique, authentique, et la pratique authentique de l'islam selon la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si l'amour entre les croyants n'est pas construit sur ça, quoi qu'il en soit, elle deviendra de l'animosité dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, comme vous l'avez entendu dans ce verset, al-akhillaa yawma idin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Les amis ce jour-là seront ennemis les uns des autres, excepté les pieux. Les pieux, ceux qui ont at-taqwa, ceux qui ont la piété, ce qu'ils ont œuvré, ce qu'ils ont cru selon la croyance sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, et qui ont œuvré selon ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, et ceux qui les ont suivis dans le bien. Ceux-là sont al-muttaqoun. Celui qui œuvre selon une bid'a, quelle que soit l'apparence qu'il a et l'image qu'il a aux yeux des gens, l'image d'une personne pieuse, l'image d'un ascète, etc., etc., si son adoration, ses adorations, sa croyance se construit sur l'innovation, sur la contradiction de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la voix des pieux prédécesseurs, cette personne-là n'aura pas cette récompense, n'aura pas ce degré d'être parmi les serviteurs pieux. Pourquoi ? Vous le savez, les deux conditions qu'évoquent les savants sur l'acceptation des œuvres. À propos de l'acceptation des œuvres, quelles sont ces deux conditions ? Al-Shabab, Fadal. Ahsant, al-Ikhlas ou al-Mutaba'a. C'est-à-dire la sincérité. C'est-à-dire qu'une œuvre soit œuvrée sincèrement et uniquement pour Allah tabaraka wa ta'ala seul et sans associé. Et que cette œuvre soit en conformité avec la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette personne qui aura œuvré en contradiction avec la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cette œuvre-là ne sera même pas acceptée. Et nous voyons ici pourquoi les gens de la sunna insistent, et ceci malgré toutes les flèches qui sont dirigées vers eux par ceux qui les contredisent et qui les critiquent et qui disent ils ne cessent de parler de bid'ah, ils ne cessent de parler des innovations, les innovations, mise en garde. Ils ne parlent pas de l'amour entre les frères. Hein? Simplement l'amour entre les frères, il faut que cet amour-là, le mahabba, elle soit compris selon ce qu'avait compris le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, afin que cette mahabba entre les frères, entre les musulmans, soit une mahabba qui soit réelle, qui soit une mahabba qui dure et perdure, et qui perdure jusqu'à Yawm al-Qiyamah, et qui ne soit pas une mahabba seulement éphémère et d'apparence dans cette vie d'ici-bas, qui bien souvent devient de l'animosité, comme vous l'avez entendu la parole d'Ibn al-Qayyim, et au jour du jugement, soit comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala, les amis ce jour-là seront ennemis les uns des autres. Et nous voyons donc ici l'importance que porte et la légitimité de porter une importance particulière aux mises en garde contre le faux, les gens du faux et les innovations portées par les gens de la sunna. Car en effet, les innovations sont des choses que lorsque la personne est entachée de ces dernières, se voit rejeter ses œuvres. Donc les gens de la sunna, comme vous le savez, leur da'wa est basée sur l'appel au tawhid, rectifier les croyances, la mise en garde contre al-shirk, l'association, et l'appel au suivi de la sunna, rectifier les croyances et la mise en garde contre les innovations. Ceci pour préserver l'adoration et les œuvres des serviteurs afin que leurs œuvres soient acceptées. Donc ici, Ibn al-Qayyim nous dit que ces derniers, les gens de la perversion et des péchés, même si tu vois auprès de eux une certaine sorte d'amour, tu vois qu'ils ont en apparence de l'amour les uns envers les autres, et bien cet amour se transforme bien souvent dans cette vie d'ici-bas en animosité, et au jour du jugement, comme vous l'avez entendu, et comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala aussi, il dit dans le sens de ses paroles, il rapporte ici la parole d'Ibrahim, et il dit, donc Ibrahim, en effet, c'est pour cimenter des liens entre vous-mêmes dans la vie présente que vous avez adopté des idoles en dehors d'Allah. Ensuite, le jour de la résurrection, les uns rejetteront les autres et les uns maudiront les autres, tandis que vous aurez le feu pour refuge et vous n'aurez pas de protecteur. Ici, Ibn al-Qayyim nous rapporte cette parole d'Ibrahim qui met en avant que ces derniers ont cimenté des liens d'amitié, des liens d'amour entre eux. Par quels moyens ? En prenant les uns et les autres comme alliés les idoles, en prenant les idoles comme divinités. Et ils ont cimenté leur amour, ils ont construit leur amour sur cette adoration des idoles, cette adoration qui est caduque, qui est de l'association à Allah tabaraka wa ta'ala. Et que deviendra cet amour, Yawm al-Qiyamah, comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala ici. Ensuite, le jour de la résurrection, les uns qui s'aimaient les uns les autres et qui adoraient ensemble les idoles et qui avaient construit leur amour sur cette adoration des idoles, les uns rejetteront les autres et les uns maudiront les autres. tandis que vous aurez le feu pour refuge et vous n'aurez pas de protecteur. Après cette introduction, un petit peu longue, sur l'amour qu'il y a entre les frères, en prenant comme point de départ cette parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat Maryam, je rappellerai rapidement pour terminer le cours d'aujourd'hui des causes qui mènent à l'amour entre les musulmans. Parmi ces plus grandes causes, de manière générale, vous avez entendu ici, dans le verset, la croyance, croire en Allah tabaraka wa ta'ala et pratiquer des bonnes œuvres. Ceci est un terme général. On va détailler un petit peu plus. Ici, dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, nous trouvons l'un des plus grands sabab, l'une des plus grandes causes menant à l'amour entre les frères. Ce verset, vous le connaissez tous, ou la plupart d'entre vous. Il dit tabaraka wa ta'ala, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Dans le sens approximatif de ces paroles, dit: si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Donc dit au Muhammad, Allah Azza wa Jalla s'adresse à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit: si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Ittabi'uni yuhibbukum Allah. Quel est le résultat de ce suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Ici, dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas évoqué le fait que le suivi de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit une cause d'amour des frères les uns envers les autres. Mais comment on peut déduire cela de ce verset à la lumière de ce qu'on a étudié concernant le tafsir du premier verset? Par rapport au hadith qu'on a cité précédemment, par rapport au verset en premier lieu, le fait qu'Allah Azza wa Jal a promis à ceux qui croient et œuvrent des bonnes œuvres qu'il allait leur accorder leur amour, c'est-à-dire mettre de l'amour, leur de les aimer et mettre de l'amour entre eux, ou mettre de l'amour dans le cœur de ses serviteurs, de manière générale, pour ses serviteurs, puis en particulier. De même que, comme l'a dit votre frère, Jazallahu khayra, concernant ce hadith où Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il aime une personne, il appelle Jibril et il dit: oh Jibril, j'aime un tel, aime-le. Puis Jibril appelle les gens des cieux, Al-Malaika, et il leur dit, ou ceux qui peuplent les cieux, Al-Malaika, et il leur dit, oh Allah, Allah aime un tel, aimez-le. Et les gens des cieux, ceux qui peuplent les cieux l'aiment alors, et les gens de la terre, où il est placé pour lui sur la terre, l'acceptation des gens de la terre, donc l'amour des gens de la terre. Et ici, nous voyons que le suivi de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est une des plus grandes causes menant à l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala pour son serviteur. Et comme on l'a vu dans le verset précédent et ce hadith, Allah azza wa jalla, lorsqu'il aime une personne, les gens de la terre l'aime aussi. Les gens des cieux et de la terre l'aiment aussi. Donc nous voyons dans ce verset, nous déduisons de ce verset, nous comprenons de ce verset, à la lumière du verset précédent et des hadiths qui ont été cités, que l'une des plus grandes causes menant à l'amour entre les musulmans est le suivi de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le suivi réel de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car comme vous le savez, tout le monde prétend suivre la sunna. Il n'y a pas une personne, même parmi les groupes égarés, les gens de l'innovation, qui vous disent: nous ne suivons une autre sunna que celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qui est estimé, c'est la réalité de la chose et non l'appellation que l'on se donne. On peut se donner l'appellation de quelqu'un qui est un grand suiveur de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais en réalité, on n'est pas sur cela. On peut se donner l'appellation, et attention, prenez bien ma parole, faites attention, ça ne veut pas dire par cela qu'on ne se donne pas cette appellation. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de vous appeler à ne pas vous appeler Ahl Sunna, Ahl al-Hadith, As-Salafiyoun. Non, ça, ce sont des appellations légiférées qui existent depuis des siècles, qui sont des appellations qui sont légiférer. Mais lorsque tu te donnes cette appellation, fais bien attention à réellement mettre en pratique ce qu'implique cette appellation. C'est à ça que je vous appelle. À faire attention, à ne pas simplement penser que tu es sur la sunna, ou mettre en avant que tu fais partie des gens de la sunna, ou, et ceci est pire encore, ceci est par rapport à ta propre personne, tu te connais mieux que les autres, mais donner cette appellation à d'autres personnes. Vous vous rappelez la parole de l'imam al-Barbahari que j'ai cité à de maintes reprises, il dit, rahimahullah, dans le sens de ses paroles, dans son livre Sharh al-Sunna, il dit, il n'est pas permis à une personne de dire d'une autre personne, un tel fait partie des gens de la sunna, avant qu'il ne sache que l'ensemble des caractéristiques de la sunna se soient réunies en lui. Donc, la réalité de la chose est, ou la chose qui est prise en compte, c'est la réalité du suivi de la personne et non ce qu'elle prétend ou ce que les gens prétendent à propos de lui. Faites bien attention à cela. Et donc, comme on l'a dit ici, comme vous l'avez vu dans ce verset, l'une des plus grandes causes de l'amour entre les musulmans est le suivi, leur suivi de la sunna de leur prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de manière véritable et réelle. Al-Shir Abdurrahman ibn Nasir al-Si'di, rahimahullah, dans son tafsir, dans son exégèse de ce verset, nous dit, dans le sens de ses paroles, ce verset qui est dit au Mohammed, dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Il dit, ce verset est une jauge, est une balance sur laquelle on pèse l'amour véritable, par laquelle on connaît ceux que Allah a aimé véritablement. Ce verset est une jauge, est une balance sur laquelle on pèsera les personnes, ou par laquelle on pèsera et on jaugera les personnes, et on saura, on connaîtra par cela ceux que Allah a aimé véritablement. De ceux qui ont prétendu cela, uniquement prétendu. Comment Cheikh Saadi parle de cela, alors qu'on parle du suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Parce que on verra ici ceux qui ont réellement suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de ceux qui l'auront seulement prétendu cela. Puisque le suivi est la condition ici de l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il dit donc ensuite, rahimahullah, ce qui sera le facteur déterminant de l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala est le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce suivi que Allah Azza wa Jalla a mis comme facteur et comme cause pour son amour et pour son agrément, le fait qu'il agrée donc les suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit, rahimahullah, l'amour d'Allah et son agrément et sa récompense ne peut être atteinte que en rendant véridique ce par quoi est venu le messager sallallahu alayhi wa sallam comme livre et comme sunna, et en se pliant à ses commandement et en s'écartant de ses interdits. C'est le suivi. Tu rends véridique ce avec quoi est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'ensemble de ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui s'avère être authentique, et tu ne prends pas une partie et délaisses une autre partie selon tes passions. De même que obéir à ses commandements, même si ceci est difficile pour toi, tu obéis à ses commandements et tu t'écartes de ses interdits. Ainsi, le serviteur accédera à l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, son agrément et sa récompense. Et par cela, Allah Azza wa Jal l'aimera et placera pour lui l'amour de ses serviteurs sur la terre. Donc encore une fois, je le répète, ceci est une des causes que je vais évoquer ici, ou que j'ai évoqué ici, et c'est même la plus grande cause de l'amour qu'il y a entre les musulmans. Une des plus grandes causes qu'il y a, que le musulman prend comme cause et appelle à cette cause ses frères. On entend souvent des gens qui appellent à l'amour entre les musulmans. Aimez-vous les uns les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le musulman est pour ses frères comme un édifice et autres que cela parmi ces hadiths qui sont des hadiths qui sont authentiques, mais ils t'appellent à, comme on va le voir ici, vous faire des cadeaux les uns les autres, vous passer le salam, etc., etc., etc., parmi ces causes que je vais rappeler ici, qui sont des causes réelles, mais qui t'appellent au suivi de la sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que ceci est l'une des plus grandes causes. Délaissez, ils te disent, délaissez les dissensions qu'il y a entre vous. Lui, il est sur ça, toi tu es sur soi, tu es sur ça. Lui, il te parle de khuruj, fisabilillah, comme il l'appelle, 3 jours, 4 jours. Lui, il te parle de rentrer dans la politique, de faire partie du groupe des Ikhwan Muslimin. Lui, il t'appelle à ceci, cela. Délaissez tout ça, nous sommes tous frères. Nous sommes tous, il nous faut être des frères qui s'aiment en Allah tabaraka wa ta'ala. Nous sommes tous frères. Il faut que nous nous aimions en Allah tabaraka wa ta'ala. Mais pour cela, il faut prendre les causes. Et parmi les plus grandes des causes, le suivi de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces grandes causes aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne veux pas trop tarder. C'est pour ça que je vais résumer un petit peu. Al-Hafid al-Nawawi, dans son livre Riyad Salihin, Le jardin des vertueux, donc traduit communément, que vous connaissez tous, a rapporté dans un sous-chapitre le mérite de l'amour en Allah et l'incitation à cela, à s'aimer en Allah, et le fait d'informer la personne que tu aimes en Allah, que tu l'aimes en effet en Allah, et que doit-il te répondre lorsque tu lui informes de cela. Il rappela, rahimahullah ta'ala, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, où il dit, azza wa jal, dans le sens de ces paroles, Muhammad est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Miséricordieux entre eux. On va y venir un petit peu plus tard. La miséricorde et la douceur et la facilité qu'il y a entre les croyants sont des causes qui ramènent al-mahabba, l'amour entre nous. Il a rappelé aussi la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, où il dit, dans le sens de ses paroles, il appartient également à ceux qui avant eux se sont installés dans le pays et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux, qui aiment ceux qui émigrent vers eux, et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que ces émigrés ont reçu. Ici Allah Azza wa Jal parle, comme vous l'avez compris, comme vous le savez, dans surat al-Hashr, de l'Muhajiroun et de l'Ansar. Il dit, il appartient également à ceux qui avant eux se sont installés dans le pays et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que ces émigrés ont reçu, et qui les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Il y a dans ce verset beaucoup d'enseignements concernant les bons comportements qu'il y a à avoir entre ses frères et ces bons comportements qui mènent à l'amour mutuel qu'il y a entre les musulmans. Il rappela aussi, rahimahullah, le hadith de Anas, qui se trouve dans le hadith rapporté par Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, qui se trouve dans les deux recueils authentiques, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans le sens de ses paroles, 3 choses qui, lorsque elles sont chez une personne, lorsqu'une personne la trouve chez sa propre personne, il a trouvé la douceur de la foi. Que Allah et son, la première des choses, que Allah et son messager soient plus aimés pour lui que n'importe qui. Qu'une personne aime une autre personne uniquement en Allah, que l'amour qu'il a pour une autre personne soit un amour en Allah, et qu'il déteste revenir à la mécréance après que Allah l'en ait sauvé, comme il détesterait être jeté dans le feu. Ici, bien sûr, comme vous l'avez compris, la partie qui nous concerne ici, c'est qu'une personne aime une autre personne et qu'il ne l'aime que en Allah. L'amour qui doit être entre les musulmans est un amour en Allah, tabaraka wa ta'ala. Qu'est-ce que l'amour en Allah? Selon ce que nous avons expliqué précédemment dans l'explication des 2 versets que nous avons fait ici dans cette assise, dans l'introduction de l'assise. Il rappela aussi la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, comme le titre du chapitre est le mérite de l'amour en Allah. Donc ici, il cite certains de ses mérites. Parmi ses mérites, le fait que, comme vous le savez dans ce hadith qui est un petit peu long, Allah Azza wa Jal le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle, c'est 7 personnes que Allah tabaraka wa ta'ala ombragera à son ombre, le jour où il n'y aura pas d'ombre en dehors de la sienne. Et il a cité parmi ces sept personnes, deux personnes qui se sont aimées en Allah, qui se sont réunies en lui, qui se sont séparées en lui. Et Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dans son explication de Riyad Salihin, nous rapporte quelques bénéfices que nous tirons de certains de ces hadiths et de ces versets cités par Al-Hafid al-Nawawi ici. Il nous dit, rahimahullah, que tout ceci, tout ce que j'ai évoqué qui a précédé, est une preuve que l'amour fait partie de la perfection de la foi. L'amour en Allah, l'amour qu'il y a entre les frères, l'amour en Allah fait partie de la perfection de la foi. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous l'avez entendu, dit qu'une personne ne trouvera pas la douceur de la foi du moment qu'il n'aura pas trouvé ces trois choses en lui. Le fait qu'il aime en Allah, qu'il aime une personne et qu'il ne l'aime que en Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, il nous dit que ceci est une preuve que l'amour en Allah, donc c'est une chose qui fait partie, il nous dit que c'est une preuve de la perfection de la foi. Donc, si toi, tu recherches à faire des bonnes œuvres dans cette vie d'ici-bas, tu rechercheras à perfectionner ton iman, à perfectionner ta foi, n'est-ce pas? Donc, tu chercheras les causes qui te mèneront à perfectionner ta foi. Et parmi ces causes qui te mèneront à perfectionner ta foi, à aimer tes frères et les aimer uniquement en Allah. Et comme je l'ai évoqué au début du cours d'aujourd'hui, pour aimer tes frères, ceux qui méritent cet amour plein en Allah, tabaraka wa ta'ala, tu devras connaître quels sont ces adorateurs d'Allah azawajal, leurs caractéristiques de ceux qui sont aimés d'Allah tabaraka wa ta'ala et qui méritent ton amour plein en Allah tabaraka wa ta'ala. Tu devras les rechercher, donc apprendre leurs caractéristiques, les rechercher et ensuite leur donner ton amour comme Allah azawajal leur a donné son amour azawajal. Ainsi tu atteindras la perfection de la foi et tu trouveras en toi-même la douceur de la foi. Puis il dit, Cheikh Ibn Uthaymin, qu'une personne n'atteint pas, le serviteur n'atteint pas la perfection de la foi jusqu'à ce qu'il aime son frère. Allahu Akbar. Puis il dit, parmi les causes menant à l'amour entre les croyants, un hadith qui a été cité par la suite par Al-Hafid al-Nawawi, que je n'ai pas évoqué ici, le fait de répandre as-salam entre nous, de répandre la paix, as-salam, la salutation de l'islam, as-salamu alaykum, entre ses frères. C'est-à-dire, Cheikh Ibn Uthaymin nous dit ici, je vais rappeler le hadith un petit peu après et vous rapporter quelques bénéfices que l'on tire de ce hadith. Il dit, c'est-à-dire répandre as-salam, la salutation de l'islam entre ses frères, c'est-à-dire de l'afficher, de passer le salam, de l'afficher, de passer le salam, de saluer celui que tu rencontres parmi les croyants, que ce soit une personne que tu connaisses ou une personne que tu ne connaisses pas. Que ce soit une personne que tu connaisses ou que tu ne connaisses pas. Et Shir nous dit que ceci fait partie des causes de l'amour entre les gens. Pour cela, lorsque tu passes auprès de quelqu'un et que cette personne te passe le salam, tu l'aimes d'entrée. Et c'est une chose, Shir nous dit, c'est une chose que nous trouvons chacun entre nous, que nous trouvons, pardon, chacun en nous. Lorsqu'une personne parmi les musulmans passe à côté de toi, que tu le connaisses ou que tu ne le connaisses pas, lorsqu'il te passe le salam, tu as de l'amour pour lui, pour le fait qu'il t'a passé le salam. Et à l'inverse, une personne qui, lui, se sera détournée de te passer le salam, alors que tu sais très bien que c'est un musulman, il passe auprès de toi et il ne te passe pas le salam. Il sait que tu es musulman et toi aussi, tu sais qu'il est musulman, il ne te passe pas le salam. Tu vas trouver quelque chose en toi-même de détestable envers cette personne. C'est une chose que n'importe lequel d'entre nous trouve en lui-même. Nous voyons ceci fait partie des grandes causes de l'amour entre les musulmans. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, donc il dit, le hadith, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens de ses paroles, il dit, ne vais-je pas vous indiquer une chose, que si vous la pratiquez, vous vous aimerez les uns les autres. Les compagnons ont répondu, bien sûr, au messager d'Allah, et il dit, Afshu salam abaynakum. Répandez as-salam, la salutation de l'islam, entre vous. Al-Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnah, rahimahullah ta'ala, et ceci fait partie de la minutie dans son intelligence et sa science, a ressorti de ce hadith comme bénéfice que, bien sûr, le fait de passer le salam à ses frères, ceci amène el-mahabba entre les frères, et que si tu passes le salam à quelqu'un qui ne mérite pas ce salam, tu, en réalité, c'est une preuve qui indique que tu aimes cette personne-là. Et en particulier, l'imam Ahmed, dans cette parole que je rapporte, a cité les gens de l'innovation, Ahlul Bida'. Il dit que ce hadith-là est une preuve qui indique que les gens de l'innovation, on ne leur passe pas As-Salam. Je détaille un petit peu plus pour ne pas prendre la parole comme cela. Je l'ai déjà détaillé, revenez à des cours où j'ai expliqué ce qu'on appelle Al-Hajr, le boycott. C'est quelque chose qui est légiféré. Et le boycott est de plusieurs sortes. On a le boycott qui est complet, c'est-à-dire que tu boycottes une personne de manière complète, et le boycott qui est partiel, tu le boycottes de manière partielle. De même, le boycott en fonction de la personne, c'est-à-dire si cette personne fait partie des gens de l'innovation ou fait partie des gens des péchés, et pour quelles raisons tu le boycottes? En premier lieu, pour te préserver toi-même, préserver ta religion, et pour parfois l'éduquer. Ceci, revenez à ces cours pour avoir plus de précision, puisque ce n'est pas le moment. Mais, de base, boycotter quelqu'un, tu le fais pour te préserver. C'est-à-dire que l'innovateur, celui qui appelle à son innovation, tu le boycottes pour te préserver toi-même, pour pas entendre de lui ces paroles-là. Tu le boycottes, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu le boycottes de manière partielle, tu t'écarteras de lui et tu ne chercheras pas à t'asseoir avec lui, à le fréquenter. Si tu le boycottes à certains moments, et ceci demande bien sûr une certaine science pour savoir à quel moment tu le boycotteras de telle ou telle manière, mais si tu le boycottes cette personne-là de manière complète, eh bien tu ne lui passeras pas le salam. Et si tu lui passes le salam, tu fais partie de ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où tu rentres dans la portée de ce hadith, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne vais-je pas vous montrer une chose que si vous la pratiquez, vous vous aimerez les uns les autres. Répondez le salam, passez-vous le salam les uns les autres. Cette personne-là, la personne parmi les gens de la bid'a, tu es dans l'obligation de le détester. De le détester de manière complète ou de manière partielle. Un musulman qui fait partie des gens de l'innovation, tu le détestes de manière complète ou de manière partielle? Hein? Là, on a compris la réalité de la foi. La foi, c'est une chose où les gens ne sont pas égaux. La foi augmente et diminue. La foi sont des croyances, des paroles et des actes. Une personne peut avoir atteint une foi complète comme on l'a évoqué ici et avoir une foi qui n'est pas complète. Donc forcément, le musulman, quoi qu'il en soit, du moment qu'il garde ce statut de musulman, cette personne-là, tu auras de l'amour pour lui. Puisqu'il garde une partie de la foi chez lui. Mais il peut être entaché par de la perversion, des péchés, et ces choses-là, sans aucun doute, tu les détestes. Parce que ce sont des choses que Allah déteste. Et cette personne-là, s'il fait partie des gens, des péchés, de la perversion, des innovations, c'est une personne, comme on l'a évoqué dans les hadiths précédents, que Allah déteste. Est-ce que Allah le déteste de manière générale ou de manière particulière? Sans aucun doute, du moment qu'il a cette parcelle de foi, Allah Azzawajal a de l'amour pour lui, tabaraka wa ta'ala. Mais ici, on parle de ce côté qui est à détester chez lui. Et en particulier, comme je l'ai dit, l'innovateur. Donc faites bien attention à cela. Ici, c'est un bénéfice que nous retirons ici de ce hadith, le fait que ceci fait partie des plus grandes causes attirant la mahabba, l'amour, ou amenant l'amour entre les frères, se passer le salam. Simplement se passer le salam les uns envers les autres. Et comme cela, une personne qui ne mérite pas ton amour, au moins qui ne mérite pas ton amour de manière complète, cette personne-là, parfois, tu ne devras pas lui donner ces causes qui mènent à l'amour entre les gens. Comme par exemple le salam, à certains moments, et bien sûr, revenez pour le détail de cela au cours qu'on a déjà enregistré concernant le hajar, etc. Ce n'est pas une chose à prendre à la légère et à pratiquer sans science. Comme cela, parmi les causes, la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tahadaw tahabbu. Faites-vous des cadeaux les uns les autres, vous vous aimerez les uns les autres. C'est la même chose, ça fait partie des grandes causes qui amènent al-mahabba entre les frères, le fait de se faire des cadeaux les uns les autres. Même si ce n'est qu'un petit cadeau, même si ce n'est... Excusez-moi, qu'une chose qui en apparence a l'air pour toi insignifiante, mais du moment que ça rentre dans la portée du cadeau, ça rentre dans la portée du hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est qu'un stylo en cadeau. Ça a l'air d'être quelque chose d'insignifiant, mais ça rentre dans la portée du Hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faites-vous des cadeaux les uns les autres, vous vous aimerez les uns les autres. Et pareil que ce que l'on a évoqué ici concernant le salam, cette chose-là, tu ne le fais pas non plus avec des gens qui ne méritent pas cet amour. Bien sûr, il y a des cas particuliers où, par exemple, pour attirer quelqu'un qui fait partie des gens des péchés, des gens de la perversion, des gens de l'innovation, pour l'attirer vers l'obéissance à Allah, pour l'attirer vers la sunna, à ce moment-là, tu pourras lui faire un cadeau, mais ce cadeau-là, tu le feras pour le faire aimer, pour l'attirer à l'islam authentique, pour l'attirer à l'obéissance à Allah, tabaraka wa ta'ala. Vous avez compris ? Mais en tout cas, avec les gens de la foi, tu fais ces cadeaux, vous faites ces cadeaux les uns les autres pour vous aimer, renforcer cet amour qu'il y a entre vous. De même que de s'entraider, l'entraide de manière générale. Comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, wa ta'awanu al birri wa taqwa, wa la ta'awanu al ismi wa l'udwan. Allah Azza wa Jalla nous ordonne de nous entraider les uns les autres dans al birr wa taqwa, la bonté et la piété. Et l'entraide qu'il y a entre les musulmans, dans tout ce qui rentre dans la portée générale de la bonté et de la piété. Tout ce qui rentre dans cette portée générale. Eh bien, ceci est une des grandes causes qui amène al-mahabba entre les frères arabes, au moment où vous vous entraidez les uns les autres. Et parmi les choses qui sont les plus grandes, c'est-à-dire qui rentrent en premier lieu dans ce terme général de la bonté et la piété, les œuvres pieuses. Et parmi les plus grandes de ces œuvres pieuses, l'étude de la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le fait juste de prendre ton frère en voiture et de l'emmener dans un cours de science, tu as fait un grand bien. Et cette chose-là est une des grandes causes qui amène à la mahabba. Le fait de l'aider dans son étude de la religion, le fait de l'aider dans ses pratiques d'adoration, comme par exemple l'aider à, encore une fois, par exemple, le prendre dans ton moyen de locomotion pour l'amener à la mosquée pour qu'il puisse effectuer des prières obligatoires ou surérogatoires, comme pendant ce mois béni de Ramadan, les prières des Tarawih, le fait de s'entraider les uns les autres, savoir à chaque fois, regardez combien de causes en très peu de temps, combien de causes amenant la mahabba, l'amour entre les frères, tu peux pratiquer et tu peux réaliser en très peu de temps pendant ce mois béni par exemple. Tu appelles ton frère, tu lui passes le salam. Tu vas commencer par une des causes. Tu lui donnes le rendez-vous pour que vous alliez ensemble prier Tarawih. Par exemple, tu lui dis je viens te chercher pour qu'on aille ensemble à telle mosquée, la mosquée de Tarawih. Dans une mosquée, des gens de la sunna, pour se réunir avec les gens de la sunna. Encore une cause. Le suivi de la sunna comme on l'a évoqué. Quand tu le vois, tu lui donnes un petit peu de parfum. Encore une cause. Regardez, si après cela il reste encore de l'animosité entre nous. Je terminerai rapidement ici par quelques causes. Ici, et comme le dit Cheikh Ibn Uthaymeen ici, il dit ce n'est pas quelque chose de raisonnable de penser que parmi l'habitude des gens, des us et coutumes des gens, qu'on s'entraide ou qu'une personne s'entraîne avec une autre et qu'elle ne l'aime pas. Donc l'entraide entre les gens, c'est une preuve d'amour et c'est une chose qui mène à l'amour. C'est-à-dire c'est une preuve de ton amour envers lui et en plus de cela, ça mène à un surplus d'amour, à rajouter de l'amour entre vous. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre Rawdat al-Muhibbin, évoque plusieurs de ces causes-là et il nous dit que il nous évoque ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faites bien attention, c'est un hadith qui nous montre le mérite de l'amour en Allah tabaraka wa ta'ala. Et encore une fois, je rappelle certaines personnes qui, et subhanallah, des fois des personnes publiques en plus, c'est ça qui est très étonnant, qui te disent je n'ai jamais entendu parler de cette affaire al-hubbu fillah wal-burdu fillah ou al-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu, l'amour en Allah et détesté en Allah. C'est très étonnant, tu te demandes s'ils lisent le livre d'Allah et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, s'ils apprennent réellement leur religion. Ici Ibn al-Qayyim rahimallah évoque ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah tabaraka wa ta'ala dit au jour du jugement où sont ceux, il appelle tabaraka wa ta'ala, il demande après ceux qui se sont aimés en ma munificence. Excusez-moi. Aina al-mutahabbuna fi jalalati ou bi jalali ou bi jalalati. Où sont ceux qui se sont aimés en moi, en ma munificence? Et il dit, aujourd'hui, je les ombrage à mon ombre, ce jour où il n'y a d'ombre que la mienne. Et dans une version de ce hadith, Allah tabaraka wa ta'ala dit, où sont ceux qui se sont aimés en ma munificence? Ces derniers ont des manabir, ont des chairs de lumière, ils sont sur des chairs de lumière, et les prophètes et les martyrs les envient. Ceci montre le mérite de l'amour en Allah entre nous, entre les musulmans. Ayyuhal ikhwa. Une place qui sera enviée par les prophètes et les martyrs. Allah Azza wa Jal appelle Yom al-Qiyamah, où sont ceux qui se sont aimés en moi, en ma munificence? Ils auront des chairs de lumière, ils seront sur des chairs de lumière, et les prophètes et les martyrs les envieront pour cette place. Regardez le grand mérite de l'amour en Allah tabaraka wa ta'ala. Il rappela aussi Ibn al-Qayyim ce hadith qui est rapporté par l'imam muslim selon Abu Huraira, radiallahu anhu, où un jour un homme est parti visiter son frère dans un village, dans un autre village que le sien. Et Allah tabaraka wa ta'ala lui envoya un ange qui vint le voir et lui dit, où veux-tu aller? Il lui répondit, je vais voir un de mes frères dans telle et telle contrée, dans tel et tel village. Et l'ange de lui demander, est-ce qu'il a quelque chose, un bien sur toi? C'est-à-dire, pourquoi tu vas le voir? Est-ce qu'il t'a fait un bienfait? Est-ce qu'il a un bienfait sur toi qui demande que tu ailles le visiter comme cela? Et cette personne de dire, non, je vais le visiter simplement car je l'ai aimé en Allah, tabaraka wa ta'ala. Et l'ange de lui répondre, je suis un messager venant de ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala, qui te dit que Allah t'a aimé comme tu as aimé en lui, comme tu as aimé cette personne en lui. Le hadith se trouve dans le Sahih de l'imam muslim. Regardez le mérite d'aller visiter ses frères, de chercher à s'enquérir de ses frères, passer un coup de fil, aller le visiter dans une ville voisine, aller le voir uniquement parce que tu l'aimes pour Allah, pas forcément pour récupérer un objet, pas forcément pour donner quelque chose, pas forcément pour un bien de ce bas monde. Et subhanallah, c'est quelque chose qu'on trouve chacun en nous-mêmes. Quand un frère t'appelle ou cherche à te visiter uniquement pour prendre des nouvelles, uniquement pour te voir, c'est quelque chose qui amène vraiment un grand amour envers cette personne-là. À l'inverse de quelqu'un qui, à chaque fois qu'il t'envoie un message, c'est pour te demander quelque chose, au bout d'un moment, même si tu as le bon soupçon sur cette personne-là, mais au bout d'un moment, tu t'es dit, cette personne-là, il ne m'appelle que quand il a un besoin. C'est quelque chose qu'on trouve tous à l'intérieur de nous. Ça, ce n'est pas un mal de demander un besoin à l'un de tes frères, mais parfois, prends simplement des nouvelles de lui, va le visiter simplement, et ceci amène l'amour. Et les gens de la sunna sont les plus en droit de se réclamer de ces bons comportements. Wallahi ya ikhwan. Ces gens de l'innovation qui nous attaquent jour et nuit, disant de nous qu'on ne parle jamais des bons comportements, on ne parle jamais de l'amour en Allah, tabaraka wa ta'ala. Nous sommes des gens qui sont durs, etc. etc. Et comme je l'ai dit, même si eux, ils font des cours peut-être où ils parlent de l'amour en Allah, mais nous voyons que cette compréhension de l'amour qu'il y a entre les croyants, cette compréhension, ils la dénaturent. Ils ne l'expliquent pas selon sa compréhension, selon la compréhension véridique et légiférée dans notre religion. Et ces personnes-là, bien sûr, ou nous, c'est-à-dire nous sommes plus en droit que ces personnes-là de se revendiquer de ces bons comportements et de l'amour qu'il y a entre nous, les gens de la Sunna, l'ensemble des musulmans. Et je terminerai par cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsqu'une personne aime son frère, qu'il l'en informe. Lorsqu'une personne aime son frère, qu'il l'en informe, qu'il lui en fasse part. Et dans un autre hadith, qu'il lui dise, Uhibbuka fillah, comme il est venu, où une personne est venue voir Mu'adh ibn Jabal, radiallahu an, et qui lui a dit, Inni uhibbuka fillah, et il lui a dit, Ahabbaka alladhi ahbabtani lahu, et dans une version, Ahbabtani fihi. Donc, je t'aime en Allah, et on lui répondra qu'Allah t'aime, ou que celui en qui tu m'as aimé, ou pour qui tu m'as aimé, t'aime à son retour. Ceci est la manière dont tu as d'informer ton frère que tu l'aimes, et ce dernier invoque pour toi que celui en qui tu m'as aimé t'aime à son retour, t'aime à son tour. Et dans le recueil de Sunan de l'imam Abu Daoud, il est rapporté qu'une personne était auprès du messager d'Allah et un homme est passé et a dit au messager d'Allah, je t'aime. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, excusez-moi, et cette personne qui est passée devant lui, il y avait une personne auprès du messager d'Allah. Donc un jour, une personne était auprès du messager d'Allah et une personne, un autre parmi les compagnons, est passé devant eux. Et cette personne qui était auprès du messager d'Allah lui a dit au messager d'Allah, j'aime cette personne. Et le prophète de lui dire, est-ce que tu lui en as informé? Est-ce que tu lui as dit que tu l'aimais? Et lui répondit non. Et lui dit, informe-le que tu l'aimes. Il est parti donc le retrouver et lui a dit, inni uhibbuka fillah. Et cette personne lui a répondu, ahabbaka alladhi ahbabtani lahu. Juste pour terminer ici, une chose, une erreur dans laquelle tombent certaines personnes, et cette erreur, nos savants ont mis un point dessus, est qu'ils ont cette habitude de dire à n'importe qui, n'importe comment, uhibbuka fillah. L'intention est bonne. À partir du moment où il voit quelqu'un, un musulman, peut-être qu'il voit du bien chez lui, il lui dit uhibbuka fillah, sans le connaître. L'intention est bonne, il n'y a pas de doute, mais ceci n'est pas exact. Et j'ai choisi de rappeler ce hadith à la fin du cours d'aujourd'hui. Comment te comporter avec la personne que tu aimes et comment lui répondre. Puisque après avoir étudié l'amour en Allah et les causes de cet amour et quelles sont les caractéristiques de la personne que tu prends comme aimée auprès de toi, c'est-à-dire une personne que tu aimeras en Allah tabaraka wa ta'ala, il t'apparaît clairement que ce n'est pas n'importe qui que tu prendras comme personne et que tu aimeras en Allah. Après avoir étudié ceci, vous avez compris que ce n'est pas n'importe lequel parmi les musulmans. Naam, n'importe lequel parmi les musulmans a le droit à une partie de ton amour. Mais cet amour qui te mène à lui en faire part, à lui dire « Uhibbuka fillah », ce n'est pas quelque chose qui est dû à n'importe qui. Donc, ce n'est pas une parole qui est légère sur la langue qui a prononcé à n'importe qui, mais plutôt à la personne qui aura réuni ses caractéristiques et que tu aimeras vraiment pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Et, excusez-moi, et que donc tu auras connu et tu auras su de lui que effectivement ses caractéristiques se retrouvent chez lui. Donc faites bien attention à ne pas exagérer dans cela, à dire « Uhibbuka fillah » à n'importe qui que tu rencontres. Tu restes avec lui 5 minutes. Et tu lui dis uhibbuka fillah, non, ceci n'est pas correct. Barakallahu fikum wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.